Marcel. De la sauce rock'n qui du yeux Martin. Pistache dans le bain, j'ai fini au steak. Sa couche est fesse à chaque fois de choquer. Je passe moi le volet de la boule du Walou. Je la trouve cool, la trouve relou. Moi je voulais de la boule du Walou. Je la trouve cool, la trouve relou. Moi je voulais de la boule du Walou. Je la trouve cool, la trouve relou. Moi je voulais de la boule du Walou. Je la trouve cool, la trouve relou. Je suis prêt, elle est belle, mais des fois elle est conne. Mais Marcel au bigo et je m'aperçois que c'est une folle. Bébé, réponds, j'attends, je suis seul. Je suis dans le bâtiment 15 pour mes étages avant du sein. Je suis pas le plus beau, et je suis pas le plus riche. Avec la richesse du cœur, je pourrais toucher l'Amérique. Elle fait sa coquille pour dérober ma tirelire. Je suis naïf, faible pour le buzz, mais je donnerai cheap boy. Elle veut pas d'amour, mais seulement de l'argent que je lui donne. Elle veut pas d'amour, mais seulement de l'argent qu'on lui donne. Moi je voulais de la boule du Walou.